dans la salle à manger. Valérie, asseyez-vous là, à la droite de mon mari. Et toi, Marie-Claire, assieds-toi à sa gauche. Guy, à ma droite, et Georges, à ma gauche. Oh, mon Dieu! Je n'ai pas mis les serviettes sur la table. Georges, va les chercher, veux-tu? Où sont-elles? Dans le tiroir du buffet, voyons. Il y a la mienne, celle de ton père et la tienne. Et puis, il y a des serviettes propres pour nos invités. Et toi, Pierre, va chercher le vin et mets-le sur la table, veux-tu? Vous voyez, Valérie, il faut dresser les hommes. Vous avez raison, madame. Voilà les serviettes. Une pour Valérie, une pour Marie-Claire, une pour Guy, et puis celle de papa. Mais non, ce n'est pas celle de ton père, c'est la mienne. Mais si, c'est la sienne. Cette serviette est à lui. Non, c'est la mienne. Je te demande pardon. Regarde les initiales sur le rond de serviette. PL. Ce rond de serviette, c'est bien celui de ton père, mais la serviette est à moi. Regarde, il y a du rouge à lèvres dans le coin de la serviette. Maman, tu n'as jamais tort.